Est-ce une coïncidence, un signe, un truc dans l'air du temps? Ou est-ce une porte qui s'ouvre, une conséquence de nos actes? Un message à décrypter, un défi à la pensée, une simultanéité, un heureux hasard, un cadeau. Comme avec tout ce qui m'arrive, j'étais tenté par la dérive, ce vent qui me portait, que je laissais guider ma vie. Prendre son destin en main, est-ce illusoire ou peut-être bien un pouvoir qui donne espoir au genre humain? Sommes récompensés de la maîtrise de nos pensées, du fait de leur synchronicité dans la noosphère des idées. Peut-on choisir en avant, sans connaissant les conséquences? Le libre arbitre n'est une chance que s'il s'exerce en pleine conscience. Car si tout est coïncidence, le hasard n'a pas d'importance. Tout semble arriver toujours à point, nommé à moins. Que tout soit déjà écrit et que nous vivions nos vies comme des scénarios choisis par Dieu sait qui. Thank you.